Le rassemblement commémoratif du 70e anniversaire de la fondation du journal Minjoseon, Corée démocratique, a eu lieu le 3 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, les cadres, journalistes, rédacteurs et autres membres du personnel du journal. Kim Gi-nam a transmis les salutations du comité central du Parti du travail de Corée adressées au personnel du journal Minjoseon pour son 70e anniversaire. Le comité central du Parti du travail de Corée y a indiqué que le président Kim Il-sung a fondé le journal le 4 juin de l'an 35 du juillet 1946, l'a baptisé en personne Minjoseon, alors que le général Kim Jong-il l'a développé en puissant moyen de publication représentant l'attitude du gouvernement de notre république. Il y a félicité vivement les efforts du personnel déployés ces 70 dernières années pour appliquer la politique originale du Parti du travail de Corée en matière de la presse. Il y a eu ensuite le rapport et les interventions.